tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, 4 expériences de retour à la nature. Une série documentaire de Marie Chartron, réalisée par François Test. Au départ de cette série, il y a une furieuse envie de marcher dans les bois, d'arpenter les collines, de longer les chemins et d'entendre les feuilles craquer sous nos pas. Il y a aussi ce vœu toujours reporté de changer sa vie, de vivre mieux et de tout recommencer à zéro. De ces envies qui nous taraudent un dimanche soir d'été quand l'herbe est douce et qu'on entend les grillons. De ces envies qu'on repousse à plus tard, de nouveau à l'abri, de retour dans sa bonne vieille ville surpeuplée, polluée mais tellement familière. Mais peut-être aussi qu'il y a des moments où l'on cherche un refuge pour soi et qu'il devient un refuge pour les autres. Alors pour commencer, les personnages. Des théosophes, une femme qui est une fille de fondateur, des danseurs, un chorégraphe, un guide, un reclus, des pensionnaires en désintoxication, des femmes qui s'occupent de nombreux enfants. Ensuite, le décor. Un lac sombre et des palmiers, une colline, la Suisse, l'Italie, le végétarisme, la nudité, des cabanes, des noisettes, des cheveux longs, des vêtements réformés, une écriture en minuscules, des bains de soleil et une grotte. Aujourd'hui, deuxième épisode, on ressort les vieux papiers. Toutes les choses que je dois remettre en ordre. Je ne sais pas si j'arrive encore à faire tout. Une nouvelle fois, je trouvais la vie berlinoise tellement indigeste que je fus franchement heureux de lui tourner le dos. Ah oui, ça c'est intéressant. Maintenant, je suis au bord du lac majeur, loin de cet antre du vice. Parce qu'on avait toujours un beau carnaval. Et ça, c'était des gens qui étaient encore ici, qui étaient au Monte Verita. Qu'on a photographié. Monte Verita, une réforme de la vie sur la montagne. C'est naturellement, je l'ai tous connu bien. Marie Chartron, François Test. C'était tout pour la liberté et la santé. Le soleil et l'eau, c'était très important. Et puis la liberté en tout cas. Que Dieu me pardonne le péché de commencer un récit au sujet d'Ascona, l'endroit le plus ravissant de la terre, où la beauté languissante des sombres sommets se reflète dans les eaux vertes du lac, par une critique de mes chers compatriotes. Mais quand, jour après jour, des troupes de voyageurs allemands, la pire espèce de philistins et d'imbéciles trottinant sur la route qui vient de Locarno, longent les rives magnifiques du lac majeur en regardant autour d'eux avec des yeux exorbités, je ne peux m'empêcher de les comparer aux hommes splendides qui vivent ici, à ces Italiens de la frontière avec leurs grands yeux sombres et une joie de vivre qui va de soi. Je les compare aussi à quelques Allemands d'exception qui mènent là une existence bizarre et pour lesquels je noircis cette feuille blanche. Traverser la Suisse pour arriver jusqu'à vous, Lorenzo Sononini. Toujours plus au sud, on a franchi le Saint-Gothard et on arrive au bord du lac Majeur qui est surplombé par la colline de Monte Verita où se sont installés en 1900 quelques colons pour fonder une communauté d'un type assez particulier, le Monte Verita. On s'y retrouve aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils ont vu en arrivant ici ? Ben, ils ont vu ce qu'on voit maintenant, des montagnes, un lac, un lieu qui était le premier sud. C'était l'ère de l'Italie qui était déjà ici, mais c'était encore la Suisse. Et donc, c'est un paysage qui n'était pas... caractérisé par l'industrialisation, par les villes. C'est un lieu un peu idylliaque, si on peut dire. C'est un lieu encore à ses yeux incontaminé, où les gens vivaient, étaient très pauvres. Et ils s'enfuyaient de la ville et cherchaient une vie plus proche de la nature. Et c'est ça qu'ils ont trouvé, un climat qui est très doux au bord du lac. Et donc ici, c'est le lieu le plus chaud de la Suisse, enfin. On est à quelques encablures de Locarno et c'est vrai que une fois le Gothard franchi, on trouve des palmiers, la végétation change, les couleurs changent, le ciel se dégage. C'est le sud. Oui, c'est le sud. Les palmiers, c'est quelque chose qui est très frappant par les habitants du nord qui arrivent ici. Il y avait déjà des palmiers auparavant, mais puis après avec le tourisme, le développement du tourisme, c'était vraiment aussi, c'est devenu aussi le symbole au bout d'un moment de Monte Verita. Mais quand ils sont arrivés ici, ils cherchaient pas un lieu où faire les vacances, c'était un lieu où vivre une nouvelle forme de vie. C'était la Lebensreform, la réforme de la vie, une voie très proche à la santé de physique et psychique de l'homme. Et alors, quoi de mieux que trouver un lieu avec ce climat et cette beauté de la nature. Je suis née au Monte Verita il y a 89 ans. Hetty Rugantini de Beauclerc. Oui, merci le passeport. Je suis Enriqueta Alessandra. Parce que aussi les gens qui sont venus ici au Monte Verita, ils étaient tous traduits en italien, les noms. Votre père est arrivé au Monte Verita. 1906. 1906. 6 de Darmstadt. Et il s'appelait Wilhelm Alexander de Beauclerc. Oui, oui. C'est ça. Et il était peintre-artiste et écrivain aussi. Et comme ça, ils sont venus, ils sont restés ici. Et tout le delta ici n'avait pas de maison ni rien. C'était tout pâturage ou des prés. Même ici, quand ils sont arrivés, le Monte Verita était seulement un bois et pâturage, rien d'autre avant. Et puis pour aller au village, il y avait seulement des vignes. Qui n'était plus en ordre, même pas. Et à Scona, dans le village, il y avait des étables, on dit, des sables pour les vaches, ça aussi, on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. Et puis les femmes qu'il avait encore avec. Sur des planches. Sur des planches, c'est ça. Ascona est situé, tout comme le lac Majeur, à 9 degrés à l'est du méridien de Greenwich et se trouve pratiquement à égale distance de l'équateur et du pôle Nord, à 46 degrés au sud du premier, 44 degrés au nord du second. Une bonne carte un peu détaillée pourra confirmer cela. Si, venant de Locarno, on longe la côte ouest du lac en direction de l'Italie, en gros, entre cette merveilleuse petite ville, malheureusement gâtée par les Allemands en voyage de noces, d'affaires et voyageant pour leur plaisir, et la douane italienne près de Brissago, on tombe régulièrement sur un de ces hommes poilus et bizarres. Ascona, c'est ici. Étaient-ils ses fondateurs? C'était un groupe qui était un peu hétérogène. Alors il y avait le principal, celui qui a acheté, vraiment acheté la colline, c'était Henry Hudenkoven. Il était fils des industriaux d'Anvers. Donc il était très riche, mais aussi les autres, ils n'avaient pas de problème économique, disons ça. Et avec lui, c'était sa copine Ida Hoffmann, qui était une pianiste. Avec eux, il y avait aussi les frères Greiser, Karl et Gusto Greiser, qui étaient les plus radicaux, en effet. Et puis, il y avait aussi Lotte Hattemer et Jenny, la sœur de Ida Hoffmann. Donc, c'était un petit groupe qui cherchait et qui était venu à pied depuis le nord. Ils avaient franchi ces Alpes et le Gotthard. Et puis, ici, les frères Greiser ont connu à Locarno le propriétaire de la colline qui, en ce temps, ne s'appelait pas Monteverta, c'était la colline Monesha. Et ils sont entrés en relation avec cet homme qui était un conseiller national, donc un politicien. Il était théosophe et il avait déjà des projets de créer un couvent laïque ici sur la Monteverita. Il n'avait pas obtenu les permis de faire. Et donc, il a vu dans ces gens les personnes qui étaient justes pour continuer, créer quelque chose de particulier ici. Théosophe, c'est-à-dire? Bon, c'est là. Il suivait la théosophie, donc c'est une religion, on peut dire ça, qui a été créée dans le 19e siècle par Madame Blavatsky. Et donc, c'était un mouvement qui dit que toutes les religions ont au fond une même vérité. Et donc, c'est cette vérité qu'il faut suivre et rechercher. Donc, c'est un mouvement qui est très syncrétique, qui prend les connaissances de les religions de l'Est et de l'Ouest et qui cherche une synthèse, en effet. Et donc, eux aussi, ils étaient fascinés par la théosophie, les fondateurs, mais aussi par le taoïsme, le bouddhisme. Ça signifie vraiment qu'ils cherchaient une vérité. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé cette colline Monte Verita, la colline de la vérité. La couleur du lac est vert clair, parfois bleuté, sauf les jours de tempête où des vagues puissantes déferlent sur le rivage avec un grondement. Alors l'eau, qui se cabre et jaillit de toutes parts, devient vert sombre. Nulle part ailleurs qu'au bord du lac majeur, je n'ai compris ce qu'était un lac d'altitude. C'est comme si les rives escarpées, plongeant dans son eau, soulevaient le sol du lac avec des doigts souterrains, et comme si, au-delà des montagnes, il y avait partout de profondes vallées qui seraient situées bien en dessous de la surface du lac. Avant même l'arrivée des Montéveritains, il y avait aussi tout un tas de personnes qui venaient ici, attirées par les forces du lieu, par différentes tendances ésotériques. C'était un drôle de mélange quand même, non? Oui, mais cet endroit est connu pour avoir un magnétisme particulier. Et c'est scientifiquement prouvé. Donc il y a des anomalies magnétiques. C'est aussi la géologie du lieu qui est très péculière. Ici, il y a l'Afrique, l'Eurasie qui se rencontrent. C'est vraiment la linea insubrica, ça s'appelle linea insubrica. Alors, il y a les deux plaques qui se sont rencontrées. Et là, a eu le début les Alpes. Hein, ont commencé les Alpes. Et ces rochers, c'était des rochers très profonds qui ont été amenés en surface. Et ils ont vraiment ces anomalies, ils causent ces anomalies magnétiques. Donc, c'est scientifiquement prouvé qu'il y a quelque chose de très péculier ici. Ce que ça signifie, puis après pour l'être humain, ça c'est subjectif. À l'aube du XXe siècle, Monteverita devient progressivement le point de ralliement d'anticonformistes venus de Berlin, de la Bohème munichoise, de Zurich. l'écrivain anarchiste allemand Erich Mühsam, dont les mots nous accompagnent sur les rives du lac Majeur, sera un habitué des lieux durant les premières années ici évoquées. D'abord coopérative végétalienne, puis sanatorium à partir de 1905, la colline s'efface jusqu'à ce que l'historien de l'art Harald Seemann ne restitue son histoire dans toute sa complexité en 1978. Aujourd'hui, la Fondation Monte Verita comprend un hôtel, un musée et un centre de congrès. En quoi cette histoire est-elle spécifiquement germanique, Marc Luet ? Moi, je vois là-dedans une émanation donc de la Lebensreform, réforme de la vie ou des modes de vie ou des modes d'existence. Et cette réforme de la vie, elle est vraiment très ancrée dans les empires centraux et en particulier donc dans l'empire de Guillaume à partir des années 1890. L'idée, c'est que dans une société bloquée au plan des institutions politiques, on va essayer de faire progresser les choses par d'autres moyens. Il faut se souvenir qu'il y avait en Prusse un suffrage censitaire qui n'a été aboli qu'en 1918-19. Ce suffrage censitaire défavorise évidemment les intellectuels, alors qu'en France, ils sont au pouvoir. En Allemagne, ces intellectuels ne sont pas moins brillants, mais ils sont donc écartés de la politique à un certain degré, du moins en Prusse. Donc ils se dégoûtent de la politique et vont chercher d'autres voies. Et la Lebensreform est pour moi non pas un escapisme, ce n'est pas la fuite vers la nature, c'est plutôt quelque chose qui vise à subvertir la société, c'est-à-dire qu'on place le levier au niveau des individus et on espère par ce biais créer, si ce n'est des institutions plus démocratiques, des rapports entre les individus qui sont plus démocratiques. Et ça, ça passe par le vêtement, ça passe par la nudité, ça passe par le végétarisme. Et le végétarisme joue là un rôle évidemment très très important, puisque nous devenons en principe meilleurs et plus sociables à travers le végétarisme. Wir essen Salat, ja, wir essen Salat und essen Gemüse von früh bis spät. Auch Früchte gehören zu unserer Diät. Was uns noch wächst, wird alles verschmäht. Wir essen Salat, ja, wir essen Salat und essen Gemüse von früh bis spät. Le chant des végétariens. Chanson à boire non alcoolisée. Mangeons de la salade, oui, nous en mangeons. Et des légumes de l'aube au crépuscule, nous en mangeons. Les fruits aussi font partie de notre régime. Mais de tout ce qui grandit, d'autres nous faisons fi. Nous mangeons de la salade, oui, nous en mangeons. Et des légumes de l'aube au crépuscule, nous en mangeons. Ida Hoffmann a eu cette expression. Elle a dit « Le végétarisme est un feu purificateur. Chacun de ceux qui passent par ce feu purificateur est en fait rendu meilleur. Et être meilleur, c'est ne pas instrumenter son prochain, c'est le traiter avec égard. Ça ne révolutionne pas forcément la société au plan institutionnel, bien sûr, même pas du tout, mais ça crée d'autres rapports. Et Ida Hoffmann était par exemple très choquée. Elle avait été reçue dans la Bonne Société parisienne, je crois, en 1903-1904 avec son mari. Elle avait été très choquée par la façon dont on traitait les serviteurs et le personnel de maison. Et elle disait, ça c'est vraiment honteux de voir ça, on les traite mal, on les loge mal, les bonnes sont dans des chambres de bonnes. Et elle était certainement persuadée que si ces gens avaient été végétariens, ils ne traiteraient pas leur personnel comme ça. Et d'ailleurs, au Monte Verita, Ça, c'est une des caractéristiques du Monte Verita. Il n'y a pas de personnel. Chacun entretient sa chambre soi-même. Sa chambre, c'est donc son cabanon. Et surtout, il n'y a pas de personnel féminin. Au réfectoire, ou à, disons, appelons ça la salle à manger, parce que c'est moins, ça correspond plus à la réalité de cet endroit, chacun se sert soi-même. Chacun a un plateau avec une lettre ou un numéro dessus qui a été attribué au préalable, et en fonction de ses besoins et de ses désirs, on trouve ce plateau repas. Il a été souvent photographié d'ailleurs. Il y a dessus des noisettes, des dattes, que sais-je, et on va le chercher soi-même. Donc pour revenir à ce thème, il n'y a pas de personnel au Monte Verita, et chacun s'entretient en quelque sorte lui-même. Arrivé sur cette colline qui s'appellera bientôt Monte Verita, il s'installe, il s'organise. Qu'est-ce qu'il construise, Lorenzo Sonnoni? Je vais vous montrer, parce qu'aujourd'hui on peut encore voir ce qui est resté de cette période. On a vraiment la chance d'avoir des constructions, des petites maisons qui c'était de l'époque. Ils ont commencé à construire, à bâtir des petites cabanes en bois. C'était quelque chose de pas fréquent au Tessin. Au Tessin, on bâtissait avec la pierre. Et c'était ces petites cabanes qui avaient des grands vitres pour laisser entrer beaucoup de lumière. Et ils les ont appelées cabanes air-lumière, Lichtlufthütten. Et c'était l'idée de vivre très proche de la nature. C'est là qu'ils vivaient eux-mêmes au début? Oui, ils ont bâti à peu près 14 cabanes et ils habitaient dans ces cabanes. Je vais vous montrer la petite maison, la Casa Selma. C'est une de ces maisons qui sont restées et qui a été bâtie en 1901. Mon père n'a jamais porté les vêtements comme on était habitué comme homme, mais avec des pantalons qui arrivaient seulement jusqu'ici. Jusqu'au genou? Un peu sous le genou. Et puis avec une espèce de casaque que ma mère faisait aussi pour lui. Et puis vous savez que comme ils étaient véganes, ils n'apportaient rien de l'animal naturellement, alors seulement du lin ou coton, oui, seulement. Comme ça, oui. Et les hommes laissaient les cheveux longs et les barbes. Et ça, c'était naturellement très visteux, on peut dire, pour ici, parce que les gens ici apportaient encore beaucoup de choses en noir et puis toujours. Ça qui a été peut-être une chose étrange, parce que les gens de Skåne n'acceptaient pas tout à fait ces gens. Ils disaient que c'était fou. Et avec la religion, c'était aussi une chose, parce qu'ils étaient tous libres penseurs, on dit. Et ça, je suis encore toujours, et toute ma famille, aussi mes enfants. Mais en tout cas, à la fin, ils ont dû s'accepter. Ce sont donc des personnes qui sont en rupture avec la société bourgeoise, entre guillemets, tout en restant profondément, évidemment, bourgeois au fond d'eux-mêmes. Donc ce sont des gens qui marquent leur rupture par un certain costume. Et le propre de ce costume, qu'on appelle donc le costume réformé, c'est de ne pas être cintré à la taille et d'être le plus ample possible. Donc des tuniques ou des aubes pour les hommes, et pour les femmes, des robes qui, dans le meilleur des cas, sont cintrées sous la poitrine, mais pas à la taille. Cet aspect vestimentaire est très important, tout comme la nudité, le vêtement réformé étant une sorte d'équivalent de la nudité, dans la mesure où ce vêtement permet ce que moi j'ai appelé la synthèse personnelle, c'est-à-dire réconcilier l'individu en lui-même, c'est-à-dire son âme, son corps et son esprit. Et donc la partie supérieure, les organes supérieurs, si je puis dire, la tête, le cœur, ne sont pas coupés des fonctions inférieures, c'est-à-dire la digestion, l'appareil neurovégétatif, etc. Donc on réalise, grâce à cette complétude, une synthèse personnelle. Et cette synthèse personnelle permet ensuite la synthèse sociale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'individu est réconcilié avec lui-même, il va être réconcilié avec les autres. Hoffmann repense la place de la femme dans la société, son rôle, son corps, peut-être en le libérant. Quelle est la place des femmes à Monte Verita, Mara Follini? Alors, oui, c'est-à-dire que Ida Hoffmann a vraiment fait une révolution, soit du habillage, et c'est la révolution de vêtements qui était aussi la révolution de la liberté du corps, de l'expression de le corps. Et aussi l'écriture. L'écriture pour elle, c'était tout petit, c'est-à-dire sans les majuscules, parce que les majuscules c'était encore une autorité. Alors tout c'était contre l'autorité masculine, mais tout c'était vers la grand-mère de la nature. Alors on devait retourner dans la grand-mère de la nature, et c'était tout en fonction de ce retour. Est-ce qu'il y avait une plus grande liberté sexuelle des femmes? Bon, là, c'est vraiment un discours très compliqué, parce que si la femme a eu vraiment la possibilité dans cet lieu, mais aussi dans la culture de l'Occident, de pouvoir se délibérer de beaucoup constructions culturelles, c'est aussi vrai que la liberté sexuelle, c'était quelque chose que les femmes, aussi à Monte Verita, ont payé beaucoup. Parce que dans la liberté, c'était surtout la liberté encore de l'homme. C'est-à-dire que les hommes, c'était libre. On peut voir aussi, par exemple, l'artiste Ernst Frick, qui a eu beaucoup de femmes, mais cette femme sont restées avec beaucoup d'enfants. Alors, qui s'est occupé des enfants? Ce sont encore les femmes. Alors, cette liberté a eu un coût pour les sept femmes, un très grand coût. La découverte de la sexualité, la découverte de le plaisir de la femme, c'est toutes ces choses-là sont très importantes. On peut penser aussi à la thérapie jungienne, mais tout à fait, c'est une liberté qui a eu un coût. Et on ne doit pas faire encore cette erreur, aussi les femmes jeunes. Alors, on voit ici, on est à l'entrée de cette maison qui était faite de deux parties égales. Donc, c'était deux chambres, en effet, qu'on pouvait aussi habiter avec une chambre seule. Alors, il y a un lit, un armoire, un lavatoire, et puis c'est tout, quelques chaises, et c'était vraiment ça. Et maintenant, c'est partie du complexe du musée de Monte Verita. En effet, on a voulu recréer l'atmosphère d'auparavant et les laisser comme ça, très simple et très spartaine aussi. Spartiate. Spartiate. Spartiate. Ok. Et qu'est-ce qu'on faisait ici? Ici, on passait les nuits, on passait du temps, mais on cherchait d'aller dans la nature. Alors pendant le jour, on allait dehors, on se levait très très tôt le matin pour faire des exercices, pour faire de la méditation, pour travailler dans le petit champ qu'on avait. On cultivait des légumes, des choses comme ça, pour sa propre nourriture. Et on prenait des bains de soleil nus. C'était vraiment un programme de santé du corps. Alors, la journée était très riche, en effet. Et dans le soir, on se rendait dans les petites cabanes et on dormait en entendant le bruit du vent, les animaux, et voilà, les bruits de la nature en fait. Pour en revenir maintenant au bain d'air, il y a déjà une logique du dépoussiérage, c'est-à-dire exactement comme dans les lumières, il y a une logique de la lumière, c'est-à-dire que les ténèbres vont être chassées par la lumière. Aufklärung veut tout dire, hein, c'est-à-dire que c'est les lumières qui sont faites dans la nuit, de l'obscurantisme, du préjugé. Eh bien, dans la cure d'air, il y a cette logique aussi du dépoussiérage, c'est-à-dire que notre esprit est encombré de scories et de poussière, et si je m'aère, donc je vais déjà aussi penser plus clairement. Nietzsche disait, ou Zarathustra disait de la même façon, je bois de l'eau. Donc boire de l'eau, c'est aussi, d'une certaine façon, penser plus clairement. Zarathustra, c'est der Wassertrinker. Et donc de la cure d'air, on passe à une idée de transformation de l'individu et par ricochet, de transformation de la société. Qu'est-ce que votre frère Wilfried vous a raconté de son enfance à Monteverita, lui qui est né ici, Reti Rogantini? Est-ce qu'il vous parlait de, par exemple, de la vie au quotidien, de la manière de manger, puisqu'il y avait ces règles? Ah oui, naturellement. Alors, nous étions, ça qu'on dit, vegan maintenant. C'était végétarien, mais végétabilien, on disait alors. Mais si je regarde bien, comme maintenant, c'était plutôt vegan. Et moi, une fois, quand j'avais 10 ans, j'étais très faible. Peut-être ça ne suffisait pas. Et là, je me rappelle que une dame a dit à ma mère de me donner de la viande sèche, non? Que ça fait du bien. Et parce qu'à l'école, je ne pouvais plus lire tout d'un coup. Alors, ma institutrice m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, mais je ne sais pas. Les lettres, ils dansent, et puis l'entour, les couleurs de l'arc-en-ciel autour, et je n'arrive pas à lire comme je voudrais, si pour mon compte. Alors elle a dit, m'a dit à ta mère de t'amener chez un oculiste, et après j'avais à apporter des lunettes pour quelque temps. On est arrivé dans une petite clairière sur un promontoire, entouré de pins, et il reste une espèce de bassin en pierre. C'était un bassin où les gens se baignaient après avoir pris le soleil. Alors il y avait un programme qui disait tu dois prendre 3 minutes le soleil, puis te baigner, puis rester à reposer un peu, rester à tranquille dans l'ombre, et puis reprendre encore plus de soleil, et comme ça. Donc c'était des bassins qui servaient pour se rafraîchir. Enfin. Et on était cachés par la végétation, comme on l'est aujourd'hui? Non, ils étaient cachés par un mur de bois. C'était vraiment pas des exhibitionnistes. Et aussi, on voulait pas que les gens d'ailleurs pouvaient les espionner. Mais il y avait quand même des gens de Ascona qui montaient, ou de la région qui montaient pour voir si on voyait les femmes nues comme ça. Alors c'était aussi un peu l'image de Monteverita où il y a les gens nus. Hein. Et on disait en patois tessinois, c'est les balabiotes, dans les danseurs nus. Ça est resté. Ça est resté. Tout le matin, dans la véranda de ma maisonnette entourée de baies, je sonnais le gong. Tous se mettaient au travail. On se partageait le matériel et avant même le petit déjeuner, les groupes se répartissaient dans les différents jardins pour désherber, planter, labourer. Les femmes organisaient des ateliers de couture et confectionnaient des costumes de danse et des sandales. Nous avions aussi un fourni-lapin et même deux métiers à tisser qui produisaient tout le textile dont nous avions besoin. On cuisinait des légumes, les repas étaient préparés et dressés en plusieurs services. Notre principale préoccupation était de trouver les lieux pour danser. Au début, nous utilisions les prairies avoisinantes autour desquelles nous avions aménagé des places assises. Il était prévu de construire un bel espace mixte avec un côté couvert en cas de mauvais temps et l'autre à l'air libre. Isabelle Danteau, vous êtes critique d'art, spécialiste de la danse. Vous avez travaillé beaucoup sur Monteverita. Et dès le début, Monteverita accueille des artistes. Rétrospectivement, on pourrait presque dire que c'est le berceau ou un berceau des modernités. Je pense que, et c'est effectivement par les artistes, surtout les danseurs et les chorégraphes, que cette histoire a été connue donc dans le monde français, dans le monde francophone, dans la mesure où c'est surtout par des écrits sur la danse et des livres consacrés à la danse qu'on a beaucoup lu sur Rudolf von Laban, Marie Wigman, Suzanne Perrottet, et effectivement existent aussi ces photographies qui sont un peu des images iconiques de cette utopie qui a pu être Monteverita, avec des corps libres, nus, dansant sur la colline, en plein air, dans la nature. En 1913, les danseurs arrivent à Monteverita et ils vont marquer le lieu durablement. Donc en 1913, les danseurs arrivent à Monteverita, donc Rudolf von Laban le premier, avec Suzanne Perrottet. Donc Rudolf von Laban, le fameux danseur, chorégraphe, théoricien de la danse, dessinateur, fondateur de la chorétique et l'inventeur de cette fameuse écriture du mouvement qu'on appellera Laban notation. Et donc c'est vraiment la toute première fois dans l'histoire de la danse que le mouvement peut s'exprimer librement, peut exister en lui-même, n'a plus besoin du support de la musique. Et ça, c'est quand même la grande révolution orchestrée par Rudolf von Laban. Il faut voir qu'avant cette invention de la danse moderne allemande, la seule chose qui existe, c'est le ballet, finalement. Le ballet ou la gymnastique. Là, effectivement, vous avez une gestuelle qui est le signe du spirituel pour un Laban, et c'est là toute la différence. C'est-à-dire que finalement, ce sont des mouvements, très expressifs, et on l'a dit, mais ce sont vraiment des mouvements qui cherchent vraiment à aller vers un état d'extase. Enfin, c'est une recherche de l'eurythmie et une recherche de l'extase. Et pour lui, l'élan naturel, le rythme naturel du corps et ces mouvements de danse qui sont en fait la traduction de puissance psychique enfouie d'un inconscient, puisque l'inconscient existe entre guillemets depuis quelques années, puisque Freud l'a nommé ainsi. Voilà, donc c'est vraiment une danse libératoire et jubilatoire. C'est vraiment la recherche de l'extase et la recherche d'un mot qui est très fort chez Laban, c'est la recherche de la joie. Casa dei Russi, la maison des Russes, oui. Au cœur d'un massif de palmiers. Oui, c'est une maison qui a été bâtie en 1905 et qui où il vivait des étudiants russes qui s'étaient enfuis de la Russie après la première révolution russe qui était faillite. Mais ils étaient venus ici. Et on dit peut-être qu'il y a eu aussi Trotsky ou Lénine qui peuvent être venus ici. Ils étaient à Zurich, donc ça peut être. Mais on n'a pas le document qui dit ça. Mais quand même, c'était les anarchistes étaient ici à Monte Verita avec Eric Musum et aussi ses étudiants. Donc c'était aussi une des sept utopies de Monte Verita, l'anarchie. L'anarchie croisée, le végétalisme, l'occultisme, la danse, c'était un drôle de mélange quand même. Oui, mais il ne se mélangeait pas forcément. Eric Musum était très... il avait beaucoup d'ironie envers le régime végétarien. Il avait écrit des poésies où il disait « Ouais, on mange que de la salade, on mange que de la salade. Du matin au soir, on mange que de la salade. » Alors c'était aussi... il ne se mélangeait pas forcément. Et puis on doit dire aussi qu'on ne peut pas dire qu'il y avait... des gens qui étaient anarchistes, il y avait des gens qui étaient mystiques, il y avait des gens qui étaient théosophiques, il y avait des gens... Toutes ces choses-là, c'est tout vrai, mais c'est vrai aussi qu'un même artiste pouvait être anarchiste, théosophique, mystique. On ne doit pas regarder comme le positivisme nous a indiqué des catégories qui sont un différent de l'autre. Dans ce moment-là, il avait vraiment une recherche d'une nouvelle proposition de la vie et du monde et de l'État. Et alors, une même personne pouvait avoir toute cette constellation des idées qui fait partie de la subculture. Et alors, on doit vraiment penser qu'il y avait, au-delà des grands idées de philosophie, que c'était le capitalisme d'un côté, le communisme de l'autre. Il y a tout ce genre, toute cette idée, toute cette utopie qui, à Monte Verita, sont consacrées par des personnes qui croyaient vraiment dans l'utopie et croyaient vraiment de réaliser sur la Terre l'utopie pour un monde très différent. Monte Verita est donc fondé par cinq personnes qui s'établissent d'abord plus ou moins en communauté et puis après construisent un sanatorium. Comment ça s'articule, ça ? Oui, comment ça s'articule ? Alors là-dessus, il y a de grandes discussions. Les frères Graeser ont prétendu que l'idée de départ est une communauté autosuffisante. Et donc, Ida Hoffmann a parlé à ce sujet de phalanstère. Ils auraient rêvé d'un phalanstère. Toutes les communautés se posent fatalement la question de leurs ressources. Et très vite, elles passent de la perspective d'autosubsistance à celle de prestation de services. Alors, ces services peuvent être des services hôtelier, ça peut être des séminaires, ça peut être l'accueil de groupes constitués, ça peut être beaucoup de choses. Il y avait un potager. Il y avait un potager, pas loin d'ici. En fait, ils cultivaient leur nourriture. Ils ne pouvaient pas tout cultiver, mais ils allaient aussi dans le marché à Ascone. Ils descendaient pour vendre des produits et acheter ce qu'ils ne pouvaient pas produire eux-mêmes ici. Aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'il y a les sangliers qui viennent détruire tout. Mais bon, c'est l'histoire en fait. Donc ils vivaient en presque autosuffisance. Oui, pendant l'été c'était facile, pendant l'hiver ils ne pouvaient pas. Donc les hôtes du sanatorium, ils payaient. Donc c'était des hôtes, ce n'était pas comme au début, des gens qui vraiment voulaient vivre la vie de la colonie. autosuffisante. Alors c'est ça qui a créé aussi la crise entre Ida Hoffmann et Udenkofen d'une part et les autres de l'autre part. Alors après quelques années, ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin aussi d'une entrée financière et ça a créé la crise. Donc Gusto Gräser, Karl Gräser voulaient vivre sans d'argent parce que c'était le capitalisme à ses yeux. Et Ida Hoffmann et Udenkofen disaient « Ok, nous, on veut avoir aussi les autres qui payent et qui aient un peu de commodité aussi. » Donc, dans les petites cabanes, ils ont amené l'électricité, l'eau courante, un peu de chauffage. Et ça a été pas la chose qui intéressait Gusto Gräser, Karl Gräser. Ils sont allés ailleurs. Gusto Gräser est allé vivre dans une grotte pas loin d'ici, que peut-être on va visiter. Et pour eux, introduire l'argent ici, avoir des autres qui payaient pour faire façon d'être des naturistes, c'était pas acceptable. Mais quand même, le sanatorium a continué à avoir les autres qui venaient ici, comme par exemple Hermann Hesse, pour une période de tranquillité ou pour retrouver la santé ou abandonner par exemple l'alcool ou le... Comme c'était le cas pour Hermann Hesse, pour Hermann Hesse. Qui était alcoolique et qui a essayé de se déprendre. Oui, c'était pour ça qu'il était venu ici. Ouais, il a raconté comme il a passé la journée nue, et puis il a pris trop de soleil, et puis là, la nuit, il n'était pas bien. Mais puis après, le jour après l'autre, il a appris aussi à entrer en syntonie avec la nature. Ça lui a pris un peu de temps. Les années passent au bord du lac Majeur. La guerre met le monde à feu et à sang. Monte Verita devient un refuge où affluent pacifistes et artistes. En août 1917, la colline accueille un grand congrès dédié aux formes de vie coopératives, aux pédagogies nouvelles, au rôle des femmes dans la société future. L'Ordo Templi Orientis, une organisation fraternelle à la croisée de l'occultisme et de mouvements artistiques et politiques, demande à Rudolf von Laban de chorégraphier une danse rituelle et primitive. L'hymne au soleil sera dansé à ciel ouvert pour célébrer le soleil couchant, les démons de la nuit et enfin l'aurore. Sous les étoiles, le cortège muni de flambeaux rejoint la grotte de Gusto Gräser dans une sarabande sauvage, au son des flûtes et des percussions. Ils dansent pour la paix, la guerre ne cessera pas tout de suite. En 1920, Ida Hoffmann, Henri Udenkofen et sa nouvelle compagne émigreront en Amérique latine. Les artistes, les philosophes et les danseurs ne déserteront pas tout à fait le Monte Verita. Voilà. Merci. Elle se mérite, cette grotte. Donc il faut... On est à... 1 ou 2 kilomètres de Monte Verita. Et il faut grimper au milieu des châtaigniers sur la colline raide pour arriver dans la grotte de Gusto Gräser. Oui, pour lui, c'était vraiment de vivre des dons de la nature. Alors, pas construire des maisons, mais vivre dans une grotte. Pas acheter la nourriture, mais vivre de ce que la nature lui donnait. Et il a vécu pendant toute sa vie, il était très cohérent avec cette idée. Jusqu'à sa fin, dans les années 50, il était vraiment vieux aussi. Il a vécu comme un prophète errant. Il disait que c'était l'amour, la source de tout. Alors c'était l'amour qui pouvait être le but de l'homme. On peut voir où peut-être il a dormi, il faisait le feu. Ici, c'est pas profond, c'est 10 mètres. C'est plus un abri sous rocher. Cette grotte est fréquentée aujourd'hui aussi. Il y a aussi ceux qui viennent pour faire semblant d'être Gusto Gräser, ou bien ceux qui viennent ici seulement pour faire une fête d'étudiants. Ouais. C'est connu, cette grotte, en fait. Et vous, vous avez déjà dormi dans une grotte ? Non. La Terre a de la place pour tous. Ascona va peut-être un jour contribuer à la réalisation de ce souhait. Notre mère, la Terre, va peut-être un jour faire aussi de la place à ceux en qui l'homme s'est révolté, dans une authentique rage contre la servitude et la violence. On ne me retiendra pas ici pour toujours. Le sang qui coule en moi me pousse à aller plus loin dans le monde. Je dois voir encore beaucoup de pays et faire la connaissance de nombreux peuples. Mais si, après des années, je revenais à Ascona et la trouvais habitée d'hommes qui, ayant été traînés de pénitencier en pénitencier, tracassés par les chicaneries, des possédants et leurs organes d'exécution, à savoir l'État, la police et la justice, auraient cependant trouvé ici un asile et une idée du bonheur, alors je me réjouirais de tout cœur. Les fondateurs avaient des idées très fortes qui sont devenues après très importantes. Donc, le début du véganisme, de la santé, du bouddhisme, du occidental, de la méditation pour les occidentaux, c'était vraiment dans ces mouvements de fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Alors, le fait qu'ici, il y a plus de 100 ans, on faisait de la méditation, c'est un fait. Et donc c'est extraordinaire si on pense que maintenant c'est vraiment très moderne. Hein? Et ça se passait ici. Au musée, on a une belle photo de Gusto Gräser avec un bandeau sur le front, dans l'herbe, avec des petits gamins qui arrivent. Et c'est une photo qu'on pourrait avoir pris à... dans les années 60 en Californie, dans une commune hippie, mais c'était ici à Monteverita au début du 20e siècle. Donc c'est une image qui est très moderne, mais ça a été prise 50 ans avant ça. Alors c'est vrai qu'on peut idéaliser un peu le passé, mais c'est un passé qui est très marquant. Et la démonstration, c'est qu'aujourd'hui, en 2017, on est en train de parler de ça et c'est encore une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. On écrit des livres, on fait des reportages, on fait des films sur Monteverita et sur cette expérience. Alors ça signifie qu'aujourd'hui, cette expérience est très importante et a quelque chose à dire. C'était Monteverita, une réforme de la vie sur la montagne. Avec Hetty Rogantini de Beauclair, Isabelle Danto, Mara Follini, Lorenzo Sononini et Marc Cluet. Les extraits du texte d'Erich Mühsam, Ascona, sont lus par Hubertus Biermann et la correspondance de Rudolf von Laban par Régis Royer. Merci à Andreas Schwab et à Franck Lemonde. Coordination Perrine Carvran, accompagnée de Marivonne Abolivier. Prise de son à Paris, Clément Berman. Documentation, Anne-Lise Signoret. Un documentaire de Marie Chartron et François Teste. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous exiler, bibliographie, lien, nous podcaster pour le lac ou nous réécouter dans la grotte, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième épisode, Les clairières libertaires, une vie communautaire d'anarchistes. Et pendant encore une semaine, en lien avec les utopies de la semaine dernière, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire, le film de Dominique Cabrera, Chronique d'une banlieue ordinaire. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.